Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Jean-Paul Faré lit « Le valeureux petit tailleur », un conte des frères Grimm. Et prenant un morceau de drap dans son tiroir, « Attendez, dit-il, je vais vous en donner !» Et il frappa dessus sans pitié. Jean-Paul Faré, c'est le disque que vous écoutiez quand vous étiez petit? Oui, j'ai écouté des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est Claude Dauphin, je crois, qui lit Le Vaillant Petit Tailleur. Ça s'appelle voilà. Le Vaillant Petit Tailleur sur le disque, hein. Sur le conte, mais sur le 10, non, je crois que c'est le petit tailleur. Le petit tailleur, c'est le valeureux petit voilà, tailleur, sinon. De Grimm, dans Grimm, c'est le valeureux petit tailleur. Voilà. Et alors, c'est donc le conte que vous avez choisi de lire aujourd'hui. Vous m'avez dit tout de suite que c'était. Dès que je vous ai demandé quel était le livre que vous lisiez quand vous étiez petit, vous m'avez dit ah, il y a une histoire que j'aimais beaucoup. Ah oui, il n'y a pas eu beaucoup à chercher. C'est vrai que je ne lisais pas beaucoup enfant, et là c'était un livre disque. Alors il y avait le disque, mais il y avait les images et le texte quand même. Et je suivais attentivement, même si j'écoutais par la 45e fois, le texte. Et sinon, vous racontez des histoires? Oui, pas tant que ça, non. Non, pas tant que ça. Enfin, ouais, on m'a raconté le petit Pousset, la Belle au bois dormant, toujours les mêmes. J'aimais bien le petit Pousset, quand même, comme tout le monde. J'aimais bien. Petit poussé, j'aimais bien. C'est le mot petit, c'est peut-être quand j'étais petit ailleurs. Quand moi j'étais petit, je suis toujours petit. C'est le côté. Comme David et Goliath, quoi, j'aimais bien. Hein, ça, c'est les petits qui abattent les plus gros, ça plaît toujours. C'est vrai. Non, mais j'écoutais beaucoup de musique, enfant. C'est vrai que j'ai eu la chance. Il y avait un électrophone chez moi. Moi, vous savez, je suis né en 48, de toute façon, c'est pas difficile à calculer. Je suis parti. Bon, j'ai 40 ans, mais j'ai la génération des gens. J'ai eu la chance, il y avait un électrophone chez moi et on a eu donc des disques quand même comme ça, comme le petit tailleur. Les 33 tours de 25 cm, je crois que c'est ça. Et il y a eu beaucoup de disques de musique. Aussi, un autre que alors, j'ai écouté, c'est le fameux Piccolo Saxo. Alors là, avec la voix de François Perrier, ça, je le saurais par cœur. Quoi. Ce qui, je crois, pour mes spectacles, dans mes one-man shows sur la musique, ça m'a beaucoup influencé. Cette manière de parler de la musique, et des familles d'instruments, tout ça. Ça, c'était super. Oui. Non, on ne me racontait pas beaucoup d'histoires. Enfin, des contes, non. Mais c'était pas, j'étais pas en manque. Hein. On inventait plutôt peut-être des histoires chez moi. Par une matinée d'été, un petit tailleur, assis sur sa table près de la fenêtre, cousait joyeusement et de toutes ses forces. Il vint à passer dans la rue une paysanne qui criait « Bonne confiture à vendre ! Bonne confiture à vendre !» Ce mot de confiture résonna agréablement aux oreilles du petit homme. Et passant sa mignonne tête par la fenêtre, « Ici, bonne femme, entrez ici !» lui dit-il, « Vous trouverez acheteur !» Elle monta, chargée de son lourd panier, les trois marches de la boutique du tailleur. Et il fallut qu'elle étalât tous ses pots devant lui. Après les avoir tous considérés, maniés, flairés l'un après l'autre, il finit par dire « Il me semble que cette confiture est bonne. Pesez-moi 2 onces, bonne femme. Allez même jusqu'au carton. » La paysanne, qui avait espéré faire un marché plus considérable, lui donna ce qu'il désirait. Mais elle s'en alla en grondant et en murmurant. « Maintenant, s'écria le petit tailleur. Je prie Dieu qu'il me fasse la grâce de bénir cette bonne confiture pour qu'elle me rende force et vigueur. Et, prenant le pain dans l'armoire, il coupa une longue tartine pour étendre sa confiture dessus. Voilà qui n'aura pas mauvais goût, pensa-t-il. Mais avant de l'entamer, il faut que j'achève cette veste. Il posa sa tartine à côté de lui et se remit à coudre. Et dans sa joie, il faisait des points de plus en plus grands. Cependant, l'odeur de la confiture attirait les mouches qui couvraient le mur. Elles vinrent en foule se poser dessus. « Qui vous a invité ici ?» dit le tailleur en chassant ses hôtes incommodes. Mais les mouches, qui n'entendaient pas le français, revinrent en plus grand nombre qu'auparavant. Cette fois, la moutarde lui monta au nez, et saisissant un lambeau de drap dans son tiroir, « Attendez !» s'écria-t-il, « je vais vous en donner !» Et il frappa dessus sans pitié. Ce grand coup porté, il compta les morts. Il n'y en avait pas moins de 7, qui gisaient les pattes étendues. « Peste !» se dit-il étonné lui-même de sa valeur. « Il paraît que je suis un gaillard. Il faut que toute la ville le sache. » Et dans son enthousiasme, il se fit une ceinture et broda dessus en grosses lettres « 7 d'un coup !» Mais la ville ne suffit pas, ajouta-t-il encore. « Il faut que le monde entier l'apprenne !» Le cœur lui frétillait de joie dans la poitrine comme la queue d'un petit agneau. Il mit donc sa ceinture et résolut de courir le monde car sa boutique lui semblait désormais un trop petit théâtre pour sa valeur. Avant de sortir de chez lui, il chercha dans toute la maison s'il n'y avait rien à emporter, mais il ne trouva qu'un vieux fromage qu'il mit dans sa poche. Devant la porte, il remarqua un oiseau qui s'était pris dans les buissons. Il le mit dans sa poche avec le fromage. Puis, il enfila bravement son chemin, et comme il était leste et actif, il marcha sans se fatiguer. Il passa par une montagne au sommet de laquelle était assis un énorme géant qui regardait tranquillement les passants. Le petit tailleur alla droit à lui et lui dit « Bonjour, camarade. Te voilà assis ? Tu regardes le monde à tes pieds ? Pour moi, je me suis mis en route et je cherche les aventures. Veux-tu venir avec moi ? » Le géant lui répondit d'un air de mépris. « Petit drôle, petit avorton. » « Est-il possible ? » s'écria le petit tailleur. Et boutonnant son habit, il montra sa ceinture au géant en lui disant « Lis ceci, tu verras à qui tu as affaire. » Le géant, qui lut 7 d'un coup, s'imagina que c'était des hommes que le tailleur avait tués et conçut un peu plus de respect pour le personnage. Cependant, pour l'éprouver, il prit un caillou dans sa main et le pressa si fort que l'eau en se maintait. « Maintenant, dit-il, fais comme moi, si tu as de la vigueur. » « N'est-ce que cela ?» répondit le tailleur. « C'est un jeu d'enfant dans mon pays !» Et fouillant à sa poche, il prit son fromage mou et le serra dans sa main de façon à en faire sortir tout le jus. « Eh bien » ajouta-t-il, « voilà qui te vaut bien, ce me semble !» Le géant ne savait que dire et ne comprenait pas qu'un nain pût être si fort. Il prit un autre caillou et le lança si haut que l'œil le voyait à peine, en disant « Allons, petit homme, fais comme moi !»« Bien lancé !» dit le tailleur. « Mais le caillou est retombé. Moi, j'en vais lancer un autre qui ne retombera pas. » Et prenant l'oiseau qui était dans sa poche, il le jeta en l'air. L'oiseau, joyeux de se sentir libre, s'envola à tire-d'aile et ne revint pas. « Qu'en dis-tu cette fois, camarade ? » demanda le tailleul. C'est bien fait, répondit le géant, mais je veux voir si tu portes aussi lourd que tu lances loin. Et il conduisit le petit tailleur devant un chêne énorme qui était abattu sur le sol. Si tu es vraiment fort, dit-il, il faut que tu m'aides à enlever cet arbre. Volontiers, répondit le petit homme. Prends le tronc sur ton épaule, je me chargerai des branches et de la tête, c'est le plus lourd. Le géant prit le tronc sur son épaule, mais le petit tailleur s'assit sur une branche de sorte que le géant, qui ne pouvait pas regarder derrière lui, portait l'arbre tout entier et le tailleur par-dessus le marché. Il s'était installé paisiblement et sifflait gaiement le petit air. Il était trois tailleurs qui chevauchaient ensemble, comme si c'eût été pour lui un jeu d'enfant que de porter un arbre. Le géant, écrasé sous le fardeau et n'en pouvant plus au bout de quelques pas, lui dit « Attention, je laisse tout tomber !» Le petit homme sauta lestement en bas, et saisissant l'arbre dans ses deux bras, comme s'il en avait porté sa part, il dit au géant « Tu n'es guère vigoureux pour un gaillard de ta taille. » Ils continuèrent leur chemin. Et comme ils passaient devant un cerisier, le géant saisit la tête de l'arbre où étaient les fruits les plus mûrs, et la courbant jusqu'en bas, la mit dans la main du tailleur pour lui faire manger les cerises. Mais celui-ci était bien trop faible pour la maintenir. Et quand le géant l'eut lâché, l'arbre, en se redressant, emporta le tailleur avec lui. Il retomba, sans se blesser, mais le géant lui dit « Qu'est-ce donc? Est-ce que tu n'aurais pas la force de courber une pareille baguette ?»« Il ne s'agit pas de force, » répondit le petit tailleur. « Qu'est-ce que cela pour un homme qui en a abattu sept d'un coup? J'ai sauté par-dessus l'arbre pour me garantir du plomb, parce qu'il y avait en bas des chasseurs qui tiraient au buisson. » Fais-en autant si tu peux. Le géant essaya, mais il ne put sauter par-dessus l'arbre, et il resta embarrassé dans les branches. Ainsi, le tailleur conserva l'avantage. Puisque tu es un si brave garçon, dit le géant, il faut que tu viennes dans notre caverne et que tu passes la nuit chez nous. Le tailleur y consentit volontiers. Quand ils furent arrivés, ils trouvèrent d'autres géants assis près du feu, tenant à la main et mangeant chacun un mouton rôti. Le tailleur jugeait l'appartement plus grand que sa boutique. Le géant lui montra son lit et lui dit de se coucher. Mais comme le lit était trop grand pour un si petit corps, il se blottit dans un coin. À minuit, le géant, croyant qu'il dormait d'un profond sommeil, saisit une grosse barre de fer et en donna un grand coup au beau milieu du lit. Il pensait bien avoir tué l'avorton sans rémission. Au petit jour, les géants se levèrent et allèrent dans le bois. Ils avaient oublié le tailleur. Quand ils le virent sortir de la caverne d'un air joyeux et passablement effronté, ils furent pris de peur, et craignant qu'ils ne les tuaient tous, ils s'enfuirent au plus vite. Il y avait beaucoup de livres. Oui, chez moi, il y avait pas mal de livres. Mes parents, surtout mon père, lisaient beaucoup. Et tous mes frères et sœurs ont beaucoup lu. Et moi, je ne lisais pas. Évidemment, c'est le coquet, soit en réaction, contre, je ne sais pas. Je ne lisais pas. Et je n'aimais pas la BD. C'est pas... Bon, je ne suis pas aussi de la génération de la BD. Si, je lisais Tintin, parce que mon frère était abonné à Tintin. Alors, j'ai lu tous les Tintins. Ça, j'aimais bien, ou Blake et Mortimer, tout ça, c'est sympa. Non, je ne lisais pas. À part un peu les livres d'histoire. À l'école, seule matière où j'étais potable, c'était l'histoire. J'aimais bien l'histoire. Alors j'avais l'impression, si je revois, que sur, Dieu sait si je déteste ce personnage, qui est Napoléon, je revois un livre qui était un peu imagé, où je pleurais dans mon lit en lisant La vie de Napoléon. Quoi. Soit la... Mais je lisais pas, j'ai lu... Mais je joue au football, voilà, c'est ça, je jouais beaucoup au football, j'écoutais beaucoup de musique, je faisais un petit peu de piano, pas beaucoup, on a arrêté très vite, parce que je foutais rien, j'avais un poil comme ça, mais non, mes parents étaient formidables pour ça, ils m'ont pas forcé, c'est sympa quoi. Alors, pour en revenir à la lecture, j'ai lu qu'à partir de 14-15 ans, quoi. Quand j'ai décidé d'être acteur, quand j'ai dit « je vais être comédien ». Alors là, j'ai lu Brecht, Claudel, je comprenais rien, hein. Honnêtement, à 14 ans, 14-15 ans, je devais avoir 13 ans d'âge mental, donc Shakespeare, tout. Enfin, je comprenais, mais je ne comprenais pas dans le fond. Quoi. Gorky, Tchekhov, tout, j'ai tout lu. J'ai des tonnes de bouquins chez moi de théâtre. J'ai pas tout lu à 14 ans, ça a mis du temps. Quoi, quand même. Et après, je me suis mis à lire des romans et tout. Maintenant, je lis quand même des romans. Si vous n'aimiez pas la lecture, c'est peut-être parce qu'il faut rester tranquille, dans un coin. Certainement, c'était en partie ça. Mais même je lis toujours, mais pardon, je ne lis jamais le soir avant de m'endormir. Je ne peux pas, vous voyez, c'est pas le style. Moi, je lis assis quand même, mais c'est rarement le soir avant de m'endormir. Hein. C'est à d'autres moments. Quoi. Le petit tailleur continua son voyage, toujours le nez au vent. Après avoir longtemps erré, il arriva dans le jardin d'un palais. Et comme il se sentait un peu fatigué, il se coucha sur le gazon et s'endormit. Les gens qui passaient par là se mirent à le considérer de tous côtés et lurent sur sa ceinture 7 d'un coup. Ah ! Se dirent-ils, qu'est-ce que ce foudre de guerre vient faire ici au milieu de la paix ? Oh, il faut que ce soit un puissant seigneur. Ils allèrent en faire part au roi en ajoutant que si la guerre venait à éclater, ce serait un utile auxiliaire. Qu'il faudrait s'attacher à tout prix. Le roi goûta ce conseil et envoya un de ses courtisans au petit homme pour lui offrir du service aussitôt qu'il serait éveillé. L'envoyé resta en sentinelle près du dormeur. Et quand celui-ci eut commencé à ouvrir les yeux et à se tirer les membres, il lui fit ses propositions. « J'étais venu pour cela, » répondit l'autre. Et je suis prêt à entrer au service du roi. On le reçut avec toutes sortes d'honneurs et on lui assigna un logement à la cour. Mais les militaires étaient jaloux de lui et auraient voulu le voir à 1000 lieues plus loin. Qu'est-ce que tout cela deviendra ? Se disaient-ils entre eux. Si nous avons quelque querelle avec lui, il se jettera sur nous et on abattra 7 à chaque coup. Personne de nous ne survivra. Et ils se résolurent d'aller trouver le roi et de lui demander tous leur congé. Nous ne pouvons pas, lui dirent-ils, rester auprès d'un homme qui en abat 7 d'un coup. Le roi était bien désolé de voir ainsi tous ses loyaux serviteurs l'abandonner. Il aurait souhaité de n'avoir jamais vu celui qui en était la cause et s'en serait débarrassé volontiers. Mais il n'osait pas le congédier, de peur que cet homme terrible ne le tuât ainsi que son peuple pour s'emparer du trône. Le roi, après y avoir beaucoup songé, trouva un expédient. Il envoya faire au petit tailleur une offre que celui-ci ne pouvait manquer d'accepter en sa qualité de héros. Il y avait, dans une forêt du pays, deux géants qui commettaient toutes sortes de brigandages, de meurtres et d'incendies. Personne n'approchait d'eux sans craindre pour ses jours. S'il parvenait à les vaincre et à les mettre à mort, le roi lui donnerait sa fille unique en mariage avec la moitié du royaume pour dot. On mettrait à sa disposition 100 cavaliers pour les deux besoins. Le petit tailleur pensa que l'occasion d'épouser une jolie princesse était belle et ne se retrouverait pas tous les jours. Il déclara qu'il consentait à marcher contre les géants, mais qu'il n'avait que faire de l'escorte de 100 cavaliers. Celui qui en avait abattu 7 d'un coup, ne craignant pas 2 adversaires à la fois. Et il se mit donc en marche, suivi des 100 cavaliers. Quand on fut arrivé à la lisière de la forêt, il leur dit de l'attendre, et qu'il viendrait à bout des géants à lui tout seul. Puis il entra dans le bois, en regardant avec précaution autour de lui. Au bout d'un moment, il aperçut les deux géants. Ils étaient endormis sous un grand arbre et ronflaient si fort que les branches en tremblaient. Le petit tailleur remplit ses deux poches de cailloux et montant dans l'arbre sans perdre de temps, il se glissa sur une branche qui s'avançait juste au-dessus des deux dormeurs et laissa tomber quelques cailloux l'un après l'autre sur la poitrine de l'un d'eux. Le géant fut longtemps sans rien sentir, Mais à la fin, il s'éveilla et poussant son camarade, il lui dit « Pourquoi me frappes-tu ? Tu restes, dit l'autre, je ne t'ai pas touché. » Ils se rendormirent. Le tailleur se mit alors à jeter une pierre au second. « Qu'est-ce qu'il y a ? » s'écria celui-ci. « Qu'est-ce que tu me jettes ? Je ne t'ai rien acheté, tu rêves, dit le premier. » Ils se disputèrent quelque temps. Mais comme ils étaient fatigués, ils finirent par s'apaiser et se rendormir encore. Cependant, le tailleur recommença son jeu et choisissant le plus gros de ses cailloux, il le jeta de toutes ses forces sur la poitrine du premier géant. « C'est trop fort !» s'écria celui-ci et se levant comme un forcené, il sauta sur son compagnon qui lui rendit la monnaie de sa pièce. Le combat devint si furieux qu'ils arrachaient des arbres pour s'en faire des armes et il ne cessa que lorsque tous deux furent étendus morts sur le sol. Alors, le petit tailleur descendit de son poste. Il est bien heureux, pensait-il, qu'il n'ait pas aussi arraché l'arbre sur lequel j'étais perché. J'aurais été obligé de sauter sur quelque autre comme un écureuil. Mais on est leste dans notre métier. Il tira son épée, et après en avoir donné à chacun d'eux un couple de bons coups dans la poitrine, il revint trouver les cavaliers et leur dit « Savini, je leur ai donné le coup de grâce. L'affaire a été chaude. Ils voulaient résister. Ils ont arraché des arbres pour me les lancer. Mais à quoi servait tout cela contre un homme comme moi qui en abat 7 d'un coup ?»« N'êtes-vous pas blessé ?» demandèrent les cavaliers. « Non, » dit-il. « Je n'ai pas un cheveu de dérangé. » Les cavaliers ne voulaient pas le croire. Ils entrèrent dans le bois et trouvèrent en effet les géants nageant dans leur sang et les arbres abattus de tous côtés autour d'eux. Le petit tailleur réclama la récompense promise par le roi. Mais celui-ci, qui se repentait d'avoir engagé sa parole, chercha encore à se débarrasser du héros. « Il y a, lui dit-il, une autre aventure dont tu dois venir à bout avant d'obtenir ma fille et la moitié de mon royaume. Mes forêts sont fréquentées par une licorne qui y fait beaucoup de dégâts. Il faut t'en emparer. » Une licorne ? Une licorne me fait encore moins peur que deux géants. 7 d'un coup, c'est ma devise. Il prit une corde, une hache et entra dans le bois, en ordonnant à ceux qui l'accompagnaient de l'attendre au dehors. Il n'eut pas à chercher longtemps. La licorne apparut bientôt et elle s'élança sur lui pour le percer. « Doucement, doucement, dit-il. Trop vite ne vaut rien. » Il resta immobile jusqu'à ce que l'animal fût auprès de lui. Et alors, il se glissa lestement derrière le tronc d'un arbre. La licorne, qui était lancé de toutes ses forces contre l'arbre, y enfonça sa corne si profondément qu'il lui fut impossible de la retirer et qu'elle fut prise ainsi. « L'oiseau est en cage !» se dit le tailleur. Et sortant de sa cachette, il s'approcha de la licorne, lui passa sa corde autour du cou, à coups de hache, il débarrassa sa corne enfoncée dans le tronc et quand tout fut fini, il amena l'animal devant le roi. Mais le roi ne pouvait se résoudre à tenir sa parole. Il lui posa encore une troisième condition. Il s'agissait de s'emparer d'un sanglier qui faisait de grands ravages dans les bois. Les chasseurs du roi avaient ordre de prêter main forte. Le tailleur accepta en disant que ce n'était qu'un jeu d'enfant. Il entra dans le bois sans les chasseurs. Ils n'en furent pas fâchés, car le sanglier les avait déjà reçus maintes fois de telle façon qu'ils n'étaient nullement tentés d'y retourner. Dès que le sanglier eut aperçu le tailleur, il se précipita sur lui, en écumant et en montrant ses défenses aiguës pour le découdre. Mais le léger petit homme se réfugia dans une chapelle qui était là, tout près, et en ressortit aussitôt en sautant par la fenêtre. Le sanglier y avait pénétré derrière lui, mais en deux bonds, le tailleur revint à la porte et la ferma, de sorte que la bête furieuse se trouva prise, car elle était trop lourde et trop massive pour se sauver par le même chemin. Après cet exploit, il appela les chasseurs pour qu'ils vissent le prisonnier de leurs propres yeux, et il se présenta au roi, auquel force fut cette fois de s'exécuter malgré lui et de lui donner sa fille et la moitié de son royaume. Il aurait eu encore bien plus de mal à se décider s'il avait su que son gendre n'était pas un grand guerrier, mais un petit manieur d'aiguilles. Les noces furent célébrées avec beaucoup de magnificence et peu de joie. Et d'un tailleur, on fit un roi. Est-ce que ça vous arrive aujourd'hui de faire la lecture à quelqu'un ? Pas souvent, j'aimerais bien. Il y a l'année dernière, oui, je fais toute une tournée pour la Maison de la Culture de Nantes en Loire-Atlantique, et on m'avait demandé, comme je jouais deux jours à Châteaubriant, il y avait une semaine de la lecture pour les écoles et tout, et il m'avait demandé, pour les maternelles, je me suis retrouvé devant une centaine de gamins à lire Le Loup de Marcel Aimé, vous savez, dans les... Alors, c'était un grand pied, c'est vrai. Je l'ai lu seulement. Mais c'était long pour eux, ça durait plus d'une demi-heure, hein, si on le lit bien tranquille. Ils ont été très, très attentifs, c'était intéressant. Mon grand-père, quand il était encore vivant, je lui lisais le journal, parce qu'il voyait plus bien, j'aimais bien. Et quand j'étais jeune, puisque moi j'ai été élevé dans la religion catholique, ça je ne m'en cache pas, et le dimanche, moi je lisais l'épître, souvent, ça, quand j'avais 14, 15, 16 ans, vous voyez, ça j'aimais bien. Mais c'était le côté théâtre qui me plaisait, honnêtement. Quelque temps après, la jeune reine entendit la nuit son mari qui disait en rêvant « Allons, garçon, termine cette veste et ravaude cette culotte, ou sinon je te donne de l'aune sur les oreilles. » Elle comprit ainsi dans quelle arrière-boutique le jeune homme avait été élevé, et le lendemain, elle alla se plaindre à son père, le priant de la délivrer d'un mari qui n'était qu'un misérable tailleur. Le roi lui dit pour la consoler « La nuit prochaine, laisse ta chambre ouverte. Mes serviteurs se tiendront à la porte et quand ils seront endormis, ils entreront et le porteront chargé de chaînes sur un navire qui l'emmènera bien loin. » Ah, la jeune femme était charmée. Mais l'écuyer du roi, qui avait tout entendu et qui aimait le nouveau prince, alla lui découvrir le complot. « J'y mettrai bon ordre !» lui dit le tailleur. Le soir, il se coucha comme à l'ordinaire. Et quand sa femme le crut bien endormi, elle alla ouvrir la porte et se recoucha à ses côtés. Mais le petit homme, qui faisait semblant de dormir, se mit à crier à haute voix. « Allons, garçon, termine cette veste et ravaude cette culotte, ou sinon je te donne de l'aune sur les oreilles. J'en ai abattu 7 d'un coup. J'ai tué 2 géants, chassé 2 licornes, pris 1 sanglier. Aurais-je donc peur des gens qui sont blottis derrière ma porte ?» En entendant ces mots, ils furent tous pris d'une telle épouvante qu'ils s'enfuirent comme s'ils avaient eu le diable à leur trousse et que jamais personne n'osa plus se risquer contre lui. Et de cette manière, il conserva toute sa vie la couronne. Première lecture. Lecture d'enfance. Le valeureux petit tailleur, conte des frères Grimm, par Jean-Paul Faré. Cyril Bécu, Laurent Lucas, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Cette émission était remise en onde par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.